million de trop d'inspire, mon reste de speak, car trop speak, je t'explique cette drôle d'époque où tout le monde je débloque. Ça sniff de la coco à peine sortie d'un colo. Des jeunes finissent à colo pour une top. C'est pas un code, plus personne n'est fliqué. Comportement étrange à déclarer, futur délinquant sur le CV. C'est sûr que ça va aider une jeunesse condamnée depuis la scolarité. Exclue des bancs d'école parce qu'on rentre pas dans le moule. Drôle, drôle d'époque, fuck. Notre haine en stock et tout le monde s'en moque. C'est une réaction en chaîne où les tasses déchaînent. C'est de l'insoumission à l'exclusion, de l'interpellation à la condamnation. À tort, sans remords, t'accompagne jusqu'à la mort. C'est souci de prisonnier ou bavure de policier. C'est des aéros pénitentiaires pour un sarco animalier. La jeunesse suffoque, trop drôle d'époque. Faut revenir au troc, trop drôle d'époque. Supprimer le capitalisme, trop drôle d'époque. Effacer l'écocentrisme. Oyo tango alika ma bolenge, kome la maïto zonga na mobongo ya sante. Oyo tango alika ma tobo ya boka bolina litomba. Tobo ya bo mikumisi ya koleka. Trop d'époque où on teste des vaccins sur les pauvres, où on développe des maladies pour enflouer la sécu, où on joue avec ta vie pour se faire des écus. Des manifestants disparaissent quand les G20 apparaissent. Trop drôle d'époque où les portes se bloquent, où les jeunes n'ont pas d'avenir. On est dans la ligne de mire, on pense pas au futur. La vie est déjà assez dure, on vit au jour le jour. C'est un bon jour que si on s'en sort. Refrain, faut être fort. L'époque est à la haine, rien t'as dégué. Ton cerveau est à l'arrêt quand tu allumes ta télé. C'est des flashs mythos, de la peur dans les infos. La division prend ambition, la soumission à la nation. Drôle, drôle d'époque où la terre suffoque, où la terre va mal, mais l'homme s'en bat pas mal. Pourtant le plus grand pollueur, le plus grand destructeur. Le plus grand destructeur, le plus grand destructeur. Drôle d'époque, la jeunesse suffoque. Trop drôle d'époque, faut revenir au troc. Trop drôle d'époque, supprimer le capitalisme. Trop drôle d'époque, effacer l'écocentrisme. Oyo tango alika ma bolenge, kome la maïto zonga na mobongo ya sante. Oyo tango alika ma tobo ya boka bolina litomba. Tobo ya bo mikumisi ya koleka. Trop drôle d'époque, la jeunesse suffoque. Trop drôle d'époque, faut revenir au troc. Trop drôle d'époque, supprimer le capitalisme. Trop drôle d'époque, effacer l'écocentrisme. Oyo tango alika ma bolenge, kome la maïto zonga na mobongo ya sante. Oyo tango alika ma tobo ya boka bolina litomba. Tobo ya bo mikumisi ya koleka. Kai mabele na komo na mpasi pasi. Bino bato ya mokili boko boma ngai. Lobi bana na bino bako sala ndenge nyinyi. Soki nga na we botika litomba. Kasi ngai na lingi bolingo. Ai nga na komo na pasi. Mobulu, mobulu, mobulu. Botika mobulu. Kasi nga na mama na bino nyonso. Boyoka ngai. Está claro, el mundo es loco, el hombre hace el mal, la tierra paga el pato, triste realidad, pero el buen suelto piensa la mente.